Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau Max Radioactive. Les festivités de Noël se préparent et avec elles, les initiatives solidaires. Je vous propose aujourd'hui un zoom sur le travail entrepris par le Secours Populaire Français à Amboise. Nous sommes aujourd'hui présents à la boutique de la Solidarité au 45 avenue Léonard de Vinci où l'équipe de bénévoles prépare sa campagne des Pères Noël verts. Opération qui débutera samedi 7 décembre avec plusieurs initiatives dont va nous parler aujourd'hui Johnny Golupo. Johnny est responsable de l'antenne Amboise Bléré du Secours Populaire. Bonjour Johnny. Bonjour. Donc vous êtes à pied d'œuvre sur plusieurs initiatives, lesquelles sont-elles ? Eh bien, on va commencer notre grande campagne des Pères Noël verts par le samedi 7 décembre avec une sortie aux arbres de Noël des comités d'entreprise où une dizaine d'enfants donc d'Amboise va pouvoir participer à cette grande matinée d'animation qui se prolongera donc l'après-midi avec le grand lancement de la campagne officielle des Pères Noël verts à Amboise avec le grand lancement de la bourse aux jouets qui débutera à partir de 13h30 et cela jusqu'à 17h à l'espace Solidarité. Il a quoi de différent le Père Noël vert avec notre traditionnel Père Noël rouge ? Eh bien, le Père Noël rouge, il vieillit comme chacun chaque année. Et pour satisfaire tous les enfants, il a fait appel à son ami le Père Noël vert de la solidarité, afin que tous et toutes puissent passer de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, il y a cette partie-là. Puis, il y a aussi, évidemment, la boutique qui va être ouverte et qui sera particulièrement axée sur le jouet, la bourse aux jouets. Donc ça va démarrer également le 7 décembre ? C'est ça, ça commence dès 13h30 le samedi 7 décembre et ça se prolongera ensuite les lundis et samedis de 14h à 16h30 jusqu'au 21 décembre. On pourra y trouver donc cet espace solidarité que l'on a transformé, tous les vêtements sont partis et on a transformé ça en grande bourse aux jouets. Donc on y trouve des jouets neufs et d'occasion, on y trouve également des idées cadeaux pour les plus grands, on y trouve de la décoration de Noël et tout ça pendant tout le mois de décembre. Et on peut rappeler également, évidemment, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde, que c'est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait venir acheter des cadeaux pour ses proches dans votre boutique. Ce n'est pas réservé à un public qui serait sélectionné à l'avance. Non, non, c'est vraiment ouverte à toutes et tous. C'est l'occasion, pendant ces fêtes aussi, d'acheter, de se faire plaisir et de trouver des idées cadeaux, des jouets, etc., en faisant une belle action de solidarité, puisque l'argent collecté permet à financer d'autres initiatives de solidarité pendant cette période. Vous nous l'expliquiez l'an dernier, puisqu'on s'était vu à cette même occasion, qu'il y avait une soixantaine, je crois, de mémoires de familles qui étaient accompagnées sur le territoire. C'est toujours à peu près le cas ? C'est sur le territoire, aujourd'hui, à 77 familles accompagnées sur le territoire, dont un peu plus de la moitié sur le secteur d'Amboise. Donc la bourse aux jouets, elle se déroule dans la boutique de la Solidarité au 45 avenue Léonard de Vinci, mais cette boutique, on rappelle qu'elle est ouverte toute l'année. Elle est effectivement ouverte toute l'année, donc les lundis et samedis, en plus d'initiatives particulières. On y trouve à longueur d'année vêtements, chaussures, neufs et d'occasion, objets divers, de la vaisselle, des produits d'hygiène, etc. Pour toutes et tous, encore une fois, c'est vraiment ouvert à tous, puisque c'est la solidarité qui est faite à travers des petites participations financières qui vient soutenir d'autres initiatives de solidarité organisées à travers de l'aide financière ou à travers le financement de sorties famille pour les vacances au bord de la mer. Comment on peut faire pour soutenir le Secours Populaire, donc cette antenne locale dont vous êtes le responsable, Johnny, qui concerne les territoires plutôt Amboise-Bléré ? Évidemment, venir acheter ces cadeaux à la bourse aux jouets. Est-ce qu'il y a une adhésion ? Est-ce qu'il y a des dons ? Est-ce qu'on peut apporter des choses également ? Bien sûr, on est preneur de toutes les solidarités. On peut avoir des dons matériels, donc jouets, vêtements, chaussures, etc., etc. Tout ce qui est en capacité de pouvoir resservir et de pouvoir être redistribué. Mais aussi, on peut nous soutenir en nous donnant un petit peu de temps pour permettre aux bénévoles de pouvoir développer d'autres initiatives de solidarité ou bien nous aider aussi financièrement. Puisque la précarité augmentant, il nous faut plus de dons afin de pouvoir développer et de pouvoir y répondre en luttant contre cette précarité toujours grandissante sur le secteur. Donc des auditeurs qui nous écouteraient et qui se diraient « moi j'ai que quelques heures à proposer éventuellement », ça vous intéresse ? Bien sûr, une heure de bénévolat, c'est une heure où les bénévoles qui sont là déjà tout au long de l'année peuvent se reposer. On peut venir nous aider ponctuellement lors de collectes ou d'initiatives ponctuelles, ou bien sur du bénévolat plus régulier, une fois par semaine, un créneau sur une initiative ponctuelle, c'est 2 heures, donc 2 fois ou 3 fois 2 heures dans l'année, c'est un créneau d'assuré sur des initiatives du Secours Populaire. Très bien. Comment l'auditeur intéressé fait pour prendre contact avec vous, Johnny ? Eh bien, il suffit de nous contacter donc au 02 47 23 24 37, le numéro de l'association, de laisser un message et surtout ses coordonnées pour qu'on puisse le rappeler, ou nous envoyer un mail à spf.amboise@orange.fr en nous précisant donc le don qu'il souhaite faire, que ça soit financier ou matériel, ou en termes de temps. Et nous nous chargeons de reprendre contact avec toutes et tous. Parfait. Eh bien, rappelons que la Bourse aux jouets démarrera le samedi 7 décembre avec pour l'ouverture des horaires de 13h30 à 17h pour cette journée de lancement et qu'ensuite, il sera possible de venir les lundis et samedis de 14h à 16h30. On souhaite beaucoup de succès à vos initiatives. Eh bien, merci. Et à savoir qu'il reste encore quelques places pour cette sortie de l'Arbre de Noël et puis une deuxième sortie qui sera le 23 décembre au Château de Blois. Très bien. Merci de nous avoir accueillis, Johnny. Merci à vous. Et surtout, bonne fête de fin d'année à toutes et tous. Merci également à toute l'équipe du Secours Populaire. Merci. Les Pères Noël Verts du Secours Populaire. Comme des milliers de bénévoles, comme des milliers de bénévoles, sans long discours ni grande parole, sans long discours ni grande parole, dans tous les coins de l'Hexagone, dans tous les coins de l'Hexagone, pour que Noël n'oublie personne. Venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, un Père Noël vert du Secours Populaire. Oui, un peu partout sur la terre, et même au-delà des frontières, pour donner un peu de bonheur, du réconfort, de la chaleur. Venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, un Père Noël vert du Secours Populaire. Pour que le monde devienne meilleur, car on est plus fort à plusieurs. Quand la vie ne fait pas de cadeaux, quand la vie ne fait pas de cadeaux, juste un sourire, juste un sourire, ou quelques mots, ou quelques mots. Venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, un Père Noël vert du Secours Populaire. On peut tous donner un coup de main, on peut tous donner un coup de main, ça fait du bien, ça fait du bien de faire le bien, de faire le bien, écrivons-le dans le journal. C'est bon, tellement bon pour le moral, pour le moral. Venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, un Père Noël vert du Secours Populaire. Pour rendre les enfants heureux, pour rendre des enfants heureux, et voir enfin briller leurs yeux, briller leurs yeux. Et pour mettre du baume au cœur, du baume au cœur, chantons ensemble cette chanson en cœur, cette chanson en cœur. Venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, venez devenez un Père Noël vert, un Père Noël vert du Secours Populaire. Pour que Noël n'oublie personne, venez. Devenez un Père Noël vert du Secours Populaire. Devenez un Père Noël vert avec nous.